vois la vie en prose. Quand les couleurs s'enfuient, le blanc, le noir s'impose. Chasse les pigments de ma vie. J'suis un loup, je suppose. Compose en meute la nuit. J'suis un galeux qui impose. C'est hurlement gratuit. Oh, partage ta folie. J'crois que c'est dans tes cordes. J'aimerais tant te mordre. À pleines dents comme la vie. Partage ta folie. Allier les dents une encre qui bave de Dieu sorry. Des idées de jeunes cancres, d'un format qui nous brime. C'est pire chez nos voisins. Faudrait alors se taire, puisque la paix n'a pas de sens. Tant qu'une guerre n'opère, oh, partage ta folie. J'crois que c'est dans tes corps. J'aimerais tant te mordre. Partage ta folie. Je me suis luxé le cœur, qui posait comme satire, en brigade mes douleurs, mon opposé se tire, elle étouffe de me voir, j'espère pas de me lire, ni de boire mes cris noirs, partage ta folie.